Je voudrais corriger ces salles bleues. La rue est à nous parce qu'on a grandi dedans. J'ai dormi sur ces bancs, vomi sur ce pavé, chalé, chimé, même habité. Alors arrêtez, vous vous faites muter. Et nous, on continue à lutter contre vos semblables. Pas vu, pas pris, tu peux prier tant que t'en pas relâché. Tout ça prend sa carache au feu rouge, les yeux rouges. Faut remplir le frigo avec métro, Canato, Warhol, le Greco. La rue nous guette tous. Faut aller chiner au gâteau, les chaussures pleines de boue, passe-moi une bouteille et des verres pour mes gros. Quatre gâchiens, j'aime pas le Front National, j'aime ce qui baisse le Front National. La goutte sur le front, le pushka dans la poche. J'aime pas les bleus, j'ai pas les yeux bleus, mais noirs comme la nuit. Ma famille est plus grande que la muraille de Chine.